et un, deux, trois, soleil. Je t'ai vu, t'as bougé, plus rien n'est plus pareil. Est-ce toi qui as changé? Ou peut-être est-ce moi qui doucement survole, noyé dans mes émois, cette vie vitriole qui décape le cœur, ronge l'âme et le corps, ne laissant à demeure qu'un bien pauvre décor. Pauvre décor. Et un, deux, trois, soleil, tu m'as vu, j'ai triché, profitant du sommeil de nos cœurs fatigués. Je me suis envolé au moindre courant d'air, quelques pas de côté, un semblant de lumière, une fausse croyance, infernale spirale, source de mes errances, qui t'ont fait tant de mal, tant de mal. Soleil, comment faire pour gagner? Et ce mur aux merveilles, l'atteindre, le toucher, retrouver la confiance, eh bien la seule issue pour entrer dans la danse, sans partir abattu, sans un tendre regard, la partie est perdue, retour, case départ d'une vie suspendue. Suspendu. Et un, deux, trois, soleil, le temps n'a plus son compte. Voilà, je me réveille et je n'ai plus de honte. Je porte mes erreurs comme des sémaphores qui me sont éclaireurs. Quand je quitte le port, je ne suis plus damné, et tout mon équipage, si souvent condamné, saura tourner la page. Tourner la page. Et un, deux, trois, soleil, je t'ai vu, t'as bougé,